Bonsoir et bienvenue au Centre d'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle qu'à l'achat de votre billet ce soir pour la prochaine conférence de Daniel, vous pourrez recevoir gratuitement la première partie de cet enregistrement sur cassette. Alors ça, c'est à l'achat du billet ce soir pour la prochaine conférence de Daniel, qui aura lieu vendredi prochain à 20h et qui aura pour titre La sexualité de l'homme nouveau. Je vous rappelle également que mercredi prochain, il y aura un mini-séminaire sur l'organisation donné par Daniel Kemp. Ce mini-séminaire est gratuit pour les personnes qui sont intéressées. Il débute à 17h30, mercredi prochain. Donc, ceux qui désirent y participer, voyez pour cela Mario Gosselin afin de réserver à l'avance vos places. Alors, ce soir, on va donc accueillir celui qui, depuis quelques années déjà, bouscule un peu notre léthargie. Il est là pour donner des coups de boutoir, pour réveiller les morts vivants, Monsieur Daniel Kemp. Avant même que la conférence ne commence, il y a déjà une question qui est arrivée ici en avant. Ben, je vais commencer par cette question-là. Ce soir, c'est pourquoi allez-vous mourir? C'est bien beau cela. C'est bien beau cela. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi je vis. Merci. Ben, c'est évidemment. En sachant pourquoi on meurt, on va savoir pourquoi on vit. Et le contraire, ça ne se peut pas, savoir pourquoi on vit et savoir pourquoi on meurt. Oui, c'est la même chose. Alors, on a, nous, la faculté ou la fâcheuse habitude de souffrir, de vieillir et puis de mourir. Pour beaucoup de monde, ça ne fait pas de sens, le fait que nos cellules, les cellules de notre corps, vieux déjà de plusieurs millions d'années, ont mis donc des millions d'années pour développer une certaine forme de conscience. Tout cela pour finalement retourner à la Terre et retourner à l'inconscience. On peut se demander pourquoi cette espèce de simulacre, ou comme disait Aurobindo, ici j'ai noté cette phrase-là, que cache cette terrible stratégie de l'éternel? Stratégie, c'est important. Oui, c'est une stratégie. Plusieurs personnes m'ont signifié la semaine dernière qu'avec un titre comme ça, Pourquoi allez-vous mourir? On ne devrait pas avoir beaucoup de monde dans la salle. Effectivement, c'est un titre qui fait peur. J'aurais pu mettre les mécanismes de la survie. J'aurais pu demander ce qu'on mette un titre plus énergisant, plus vivant. Mais de temps en temps, ça me plaît de dire des choses. Et en plaçant un titre qui fait fuir des personnes, on peut se permettre d'avoir dans la salle ceux qui ont peut-être plus d'intérêt ou ceux qui ont peut-être suffisamment d'énergie mentale pour ne pas trop souffrir la peur de la mort. Regardons par exemple dans un titre d'une conférence, Pourquoi allez-vous mourir? Combien de personnes que le monde ancien appelle âgées sont présentes? Alors, habituellement, ces personnes ont une forme énergétique relativement avancée parce que bien des jeunes ne sont pas capables de supporter l'idée même de la mort. Parler de la mort comme un humain, c'est essayer de se créer un monde joli, paisible, meilleur et supérieur au monde des vivants. Et parler de la mort en fonction d'une conscience, parler de la mort en fonction d'une vision planétaire, sinon galactique, cela veut dire parler de la mort en fonction justement de stratégie. Lorsque j'ai débuté mes conférences ici au centre, il y a de cela 2 ans, j'avais dit que l'être humain signait son contrat de mort à la naissance. Et tout au long de sa vie, s'il ne refusait pas de parler de la vie, il refusait presque toujours de parler de la mort. Quand l'humanité a-t-elle commencé à parler un peu plus de la mort? Lorsque des médecins, lorsqu'on a écrit sur la vie après la vie, lorsqu'on a essayé de reconstruire le concept du paradis. Alors l'être humain est d'accord pour parler de la mort à la seule et unique condition qu'on parle de la mort comme on parle de la vie. Mais la mort n'est pas la vie. Parce que si la mort serait la vie, le mortel n'existerait pas. Il n'y aurait pas de mortalité. Pourquoi l'homme meurt-il? Pourquoi la femme meurt-elle? Pourquoi l'humain est-il mortel? Il y a une raison stratégique, il y a même d'ailleurs plusieurs raisons. Parce que l'être humain ne meurt pas sur un seul plan, l'être humain vit plusieurs morts lorsque le corps physique daigne bien vouloir mourir. Alors, je vais aborder le sujet d'une façon plutôt cosmique, plus que d'une façon spirituelle, religieuse, morale, sécurisante. Il faut comprendre une chose, c'est que les choses sont telles qu'elles sont, et si on se refuse de voir une chose telle qu'elle est, ça ne change rien à cette réalité coordonnée. Alors, je peux parler de la mort comme on voudrait que j'en parle, et je peux parler de la mort comme elle est. Ça va dépendre de François. Alors, vous saurez sur qui lancer vos tomates. Ben moi, je me demande où est l'intérêt d'une discussion sur la mort si ça ne débouche pas sur la possibilité d'une mutation de la mort. Un petit peu comme dans l'expérience qu'a vécue la compagne de Aurobindo, mère, au niveau du mental de ses cellules, où elle entrevoyait la naissance d'un nouveau corps pour l'humanité. Donc de la mutation de la mort, ce qui m'intéresserait peut-être comme sujet en particulier. En dehors des croyances en la réincarnation ou des croyances en la transfiguration ou des croyances à la mort définitive et puis il n'y a plus rien, etc., toutes ces choses-là, là, on constate le fait, comme tu dis, les choses sont ce qu'elles sont, on est mortel, à date jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, est-ce que notre corps ou l'intelligence qui gouverne nos cellules ou l'univers, dans cette stratégie-là, est-ce qu'on peut entrevoir le dépassement de cet état de mortalité, là, d'une mutation de la mort? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des exemples dans l'humanité? Et entre les mains de qui ou de quoi serait ce secret? Et quelle serait la contribution de l'homme à ce dépassement? Ça fait plusieurs questions. Alors, si je résume peut-être les questions, puis tu pourras y revenir si c'est mal fait. Premièrement, est-ce qu'il y a une solution à la mort? Entre les mains de qui ou de quoi se trouve cette solution? Et est-ce que l'humain peut arriver à une immortalité biologique? Bon, disons trois questions, je crois, qui sont relativement intéressantes. Ce soir, je m'étais dit, maintenant je ne sais jamais tant que la conférence n'est pas commencée, que peut-être on pourrait parler justement de ce sujet de l'extension de la vie. Pour ceux qui ont voulu affronter un « pourquoi allez-vous mourir ?» L'extension biologique est une chose évidente. L'être humain va se sortir de ce mécanisme évolutif et expérientiel qu'est la mort. Mais il y a un prix à payer, premièrement, pour étendre sa vie. Et lorsque je parle de l'humain qui va arriver à transcender la mort, je ne parle pas de toutes les parties de l'humain. Du moins, pas telles qu'elles sont. Alors, veux pas, je ne peux pas dire, parce que je peux le dire, mais ça serait exprimer une chose qui fait partie de l'illusion de l'homme, qui fait partie du mensonge cosmique, qui fait partie de la tradition de perdition des forces évolutives, je pourrais dire, mais c'est faux, que l'humain tel qu'il est, dans sa conscience, comme dans sa conscience astrale, comme dans sa conscience biologique, va être capable de transcender la mort, c'est-à-dire de ne plus mourir tout en restant intégralement ce qu'il était. C'est faux. Même dans le continuum appelé la vie, l'être humain n'arrive pas à conserver l'intégralité mémorielle de son corps physique ni de son corps psychologique. Alors l'être humain grandit, donc le corps physique de l'enfant meurt pour renaître. Alors de ce fait même, l'intégrité mémorielle du corps physique n'est pas gardée. Et il en est de même pour la psychologie. L'être humain, par l'expérience, acquiert une nouvelle forme de pensée, acquiert de nouvelles formes d'expressivité qu'il appelle créativité, et il acquiert donc, il se transforme. Alors en partant, on ne peut pas parler d'une vie sans transformation. Il y a des moyens mécaniques, il y a des moyens techniques pour permettre l'extension de la vie, mais ces moyens nécessitent un travail acharné des individus qui voudront extendre la vie de leur corps physique. Lorsque je parle d'étendre la vie du corps physique, cela veut dire d'engendrer une circulation énergétique, énergie vitale, au niveau des cellules physiques, de façon à ce que, malgré que la mémoire de celui-ci se perde au fur et à mesure du temps, donc que la personne poursuive son avancement cellulaire, donc elle se transforme, son visage se transforme pour s'assujettir à l'expression de sa psychologie, ses lignes de main se transforment pour les mêmes raisons, elle grandit, elle rétrécit, elle grossit, elle maigrit, elle vieillit, mais sans vieillir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des techniques qui permettent à l'être humain de poursuivre la vie, donc de vieillir, sans devenir vieux. Il y a un prix à payer, il y a le prix, premièrement, de la foi, parce que tant que tu n'as pas expérimenté la technique, tu devras croire qu'elle peut ou ne pas y croire. Il y a un autre prix, celui de la permutation de l'ego émotif en personnalisation mentale, anémotive, donc sans émotion. Alors, qu'est-ce qu'on veut qu'ils vivent? Si on veut que la psychologie, donc si on veut que la mémoire, l'expérience, la personnalisation, l'identité de l'être humain vive, si on veut que l'astral localisé dans un corps physique vive, on doit accepter la désintégration du corps physique, on doit accepter la désintégration du corps vital, une désintégration énergétique, c'est-à-dire qu'il y a une façon pour que l'être humain au niveau de l'âme soit totalement immortel, ne subisse plus la stratégie de la réincarnation, de l'incarnation ou de l'évolution, il y a un moyen. Et ce moyen est la momification. Si un être humain dans sa psychologie ne veut pas mourir lorsque le corps physique cesse d'être énergisé par la vie, si le corps physique est momifié, l'âme reste cristallisée telle qu'elle est. Et lorsque le corps physique sera détruit, l'âme sera elle aussi absoute. Ce moyen a été recherché par les pharaons, il a été recherché par différents prêtres, différents rois de certaines civilisations qui avaient eu et qui avaient à l'époque certains contacts avec des phénomènes solaires. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérience réelle du rôle de l'humanité. Si le corps physique doit vivre, si le corps vital doit vivre, alors il faudra que l'ego meure. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort de l'ego? L'ego, c'est l'identification absolue dans le contexte terrestre de toute l'expérience d'un corps physique allié à l'expérience d'une humanité génétique familiale, allié à l'expérience de l'humanité sociale. Cela veut dire que cet ego qui vit et qui est l'identification absolue d'un contexte local est la personnalisation expérientielle de l'humain sur la planète. C'est cet ego qui croit avoir la vie. C'est cet ego qui croit détenir le contrôle sur l'évolution. C'est cet ego qui, de par le fait, veut évoluer parce que tanné de souffrir. Et c'est cet ego qui pose la question « Pourquoi vais-je mourir? » C'est cet ego aussi qui fait que l'être humain nourrit son ego au lieu de nourrir son corps physique. C'est cet ego qui fait que l'être humain s'habille mal parce qu'il habille la psychologie de l'ego. S'il est beau, il se sent bien. Alors, malgré l'inopportunité, malgré le manque d'écologie au niveau biologique. Alors, c'est l'ego qui pose la question et qui dit « Pourquoi vais-je mourir? » Et c'est l'ego qui entreprend la conceptualisation de théories sur la réincarnation, sur l'incarnation, sur la finalité après la mort, sur les dieux, sur les énergies salvatrices, sur les extraterrestres, sur tout ce que vous voudrez. Et c'est cet ego qui tue le corps physique. Et lorsque l'ego tue le corps physique, l'ego tue le seul véhicule biologique lui permettant de conserver sa mémoire. Cela veut dire que lorsque l'ego tue le corps physique, l'ego tue en même temps la mémoire. Et lorsque l'ego tue la mémoire, l'ego ne se souvient plus d'être. Et lorsque l'ego ne se souvient plus d'être, l'ego n'est plus. Et c'est d'ailleurs l'un des processus stratégiques de la mortalité chez l'humain. Alors, de quelle façon arriver à extendre la continuité biologique, la vie physique? il faut pour cela que l'ego cesse de vouloir vivre. Parce que la psychologie de l'humain canalise presque 75% des énergies vitales dans la cristallisation de la mémoire expérientielle de l'âme, donc de la mémoire expérientielle de l'ego, donc de la mémoire expérientielle de l'astral localisée chez l'humain dans le corps physique, interdisant par le fait même au corps physique d'avoir le potentiel nécessaire à la vie, donc à la transmission intégrale de la mémoire génétique. Cela veut dire que lorsque l'humain vit, chaque cellule se divise, chaque cellule se multiplie dans un moule parfait. Alors une cellule qui meurt, une cellule par exemple cutanée qui meurt, est remplacée par une cellule similaire. Parce qu'il y a eu multiplication des cellules, reproduction génétique, impeccablement parfaite. Lorsque l'ego, lorsque la psychologie, lorsque l'émotion, lorsque les désirs de l'humain cristallisent par le fait qu'il a expérimenté la matière, par le fait qu'il a de la mémoire, lorsque vous vous rappelez du passé, plus vous avez de l'expérience dans votre vie, plus vous avez la faculté d'avoir une mémoire de la vie plus grandiose. Alors on dit, vous avez plus d'expérience. Et c'est cette expérience qui tue le corps physique. Parce que plus l'expérience nécessite d'énergie pour que l'on puisse se souvenir, moins il reste de cette énergie appelée la vie, de l'énergie vitale, pour la transmission intégrale de la cellule dans le corps physique. Alors, plus l'humain canalise de l'expérience, plus l'humain vieillit. Et on va remarquer aussi que lorsqu'un être humain a la faculté d'un contact avec la mémoire planétaire, donc lorsqu'un être humain, par exemple, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, lorsqu'un adolescent de cet âge, semble avoir plus d'expérience, semble être plus mature, il l'est aussi de par son corps physique. Et il aura le caractère d'adulte avant les autres. Plus il aura accès à de la mémoire, plus il aura besoin d'énergie vitale pour conserver cette mémoire, alors plus vite il vieillira. J'ai travaillé dans un hospice où on avait des personnes, on leur donnait 30 ou 32 ans, 35 ans, parce que ces personnes paraissaient jeunes. C'était des personnes handicapées au niveau mental et surtout au niveau de la mémoire. Ils ne se rappelaient pas. On peut presque dire qu'ils n'existaient pas dans leur propre conscience parce qu'ils n'avaient pas souvenir d'eux-mêmes. Et dans leur dossier, on notait 69 ans, 72 ans. Mais biologiquement, ça ne paraissait pas. 6 ans après, sur l'ambulance, je suis retourné dans ces cliniques. Et ces personnes avaient le même corps physique. Plus l'être humain saura se passer de la souvenance qu'il a de ses vies ou de sa vie présente, antérieure, donc de sa vie actuelle passée, plus il aura la possibilité, comme un enfant, d'entrevoir un monde à venir. Parce qu'au fur et à mesure que l'humain, que l'astral de l'humain évolue par l'expérience et qu'il cristallise cette mémoire, il vit non plus à partir d'une vie future, mais d'une vie passée. Et lorsque l'humain en arrive à cristalliser à un point mortuaire sa mémoire, il prend toute l'énergie vitale de son corps physique pour se rappeler de son passé, du bon vieux temps. Et les cellules se défont. La reproduction cellulaire n'a plus la même vitalité. Alors on en arrive à un point tel que lorsqu'une cellule mère se divise en deux cellules filles, les deux cellules filles ne sont pas identiques à la cellule mère. J'ai déjà exposé que ce fait qu'un adulte, un homme de 60 ans par exemple, peut donner naissance chez une femme à un enfant qui aura une cellule cutanée, qui aura un corps de bébé frais, vivant, impeccable, tandis que son propre corps à lui est vieilli. Alors, même si l'énergie sexuelle, l'énergie vitale se focalise dans l'énergie sexuelle jusqu'à un certain âge relativement avancé, l'andropause ou la ménopause, où le manque d'énergie vitale dans le corps physique oblige l'humain à cesser toute reproduction pour pouvoir poursuivre sa vie biologique, plus loin, l'énergie vitale manque à un point tel que le corps meurt. Alors, la personne qui vieillit dans son corps physique devient de plus en plus malade parce qu'elle manque d'énergie vitale pour assurer la conservation mémorielle de la reproduction de ses cellules. Alors, elle dépérit. Elle dépérit parce que l'ego suce toute cette énergie et elle dépérit parce que l'ego doit disparaître. Pourquoi l'être humain meurt-il? Pour la simple raison que l'expérience canalisée par l'ego est une expérience qui a comme fonction la création d'un monde illusoire, d'un mensonge cosmique, plus planétaire que cosmique, d'un mensonge, d'un monde dans lequel on aura canalisé, focalisé, mémorisé toute l'expérience de chacun des individus. Mais identifier dans un individu, dans l'âme de l'individu, cette expérience ne peut que nuire à l'évolution de l'être humain qui, dans la grande majorité de son expression, n'est pas parfait. Alors, l'être humain meurt pour que l'ego puisse être dissous, pour que l'âme puisse être digérée par l'âme de la planète, faisant évoluer par le fait même la planète. Et cette âme planétaire porte aussi un nom ésotérique de ciel. Ça n'a rien à voir avec les cieux. Tandis que l'humain se réincarne de son vivant en laissant une descendance génétique après lui, son ego, lorsque le corps physique aura été digéré par la planète Terre, sera à son tour digéré dans le plan vibratoire qui est le sien, donc dans un régime de vibration qui rentre en harmonie avec ce qu'il a connu de son vivant. Tous les individus qui ont une harmonie de leur vivant seront digérés, seront fusionnés ensemble dans leur mort. Et lorsqu'ils auront été fusionnés, ils reviendront dans un nouveau corps, pluralitairement réincarné, pour poursuivre l'évolution au niveau planétaire. Alors, tout reste, mais pas comme l'humain égoïsé le veut. Celui qui cesse de rechercher la vie la trouve. Celui qui cesse de rechercher la mort reste vivant. Mais la vie chez l'homme, c'est le fait de se souvenir qu'on a vécu. Parce que l'humain dit « je vis » parce qu'il constate qu'il a vécu. Alors celui qui, dans ce sens, ne vit plus, ne meurt plus. Autrement dit, la mort, c'est dans le souvenir. La mort, elle est déjà dans la mémoire. Elle est là comme une programmation. Elle est là aussi dans nos cellules. Nos cellules ont accepté cette programmation-là de la matière. Nos cellules sont incapables de dépasser ce plan-là qui est dans cette vieille matière-là de laquelle on est fait. L'être humain, l'homme nouveau, lorsqu'il va arriver à personnaliser son mental, il va avoir ceci de différent, c'est qu'il n'aura plus aucune correspondance avec la génétique de ses parents. Or, ni biologique, ni vital, ni astral, ni mental, il sera un être neuf, un être nouveau. L'humain, regarde ceci, c'est un mécanisme extrêmement simple à comprendre. Mais s'il est compris par le plan fautif de l'humain, alors il reste tout à fait incompris, inserviable, parce qu'évidemment, je ne peux pas dire à l'âme de l'homme, je ne peux pas dire à ce qui est mortel chez l'humain, je ne peux pas dire à ce qui tue l'humain que ça va rester. Et plus souvent qu'autrement, c'est cette partie qui tue et qui se suicide, qui aimerait qu'on lui donne la clé, la technique pour pouvoir tuer sans se suicider. Et ça ne se peut pas. Et lorsque je parle de mortalité, lorsque je parle de suicide, en réalité, je parle d'une transmutation d'un état à un autre. Mais c'est la même chose, c'est une mortalité pour la simple raison que la mémoire localisée dans l'âme d'un individu est maintenant répartie à l'échelle planétaire, ce qui fait qu'il n'y a plus d'identification. Vu qu'il n'y a plus d'identification, le « je suis » n'est plus. Alors il y a mortalité. Ça ressemble à un grand jeu de loi cosmique. C'est où tu lances tes dés dans ta vie, puis tu avances de quelques cases, puis tu retournes en arrière, puis... Parfois, tu te suicides ou parfois tu meurs. À ce moment-là, retour à la case départ. Mais on a beau retourner toujours à la case départ, on fait toujours partie du jeu. Parce que je voudrais savoir si est-ce qu'on peut sortir du jeu, savoir que les dés sont pipés, savoir qui manipule les dés et comment sortir du jeu. Tout à l'heure, je parlais d'une réalité coordonnée. Dans le monde de l'homme, il y a l'illusion. C'est-à-dire une réalité coordonnée par la psychologie intrinsèque à l'humain. C'est le monde de l'illusion. Lorsque nous disons que l'être voit les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que l'être voit énergétiquement les choses telles qu'elles sont. Il ne voit pas les choses telles qu'elles sont parce que les choses sont comme elles ont été coordonnées. Donc, les choses ne sont pas. Cela veut dire qu'au-delà du monde de l'illusion humain, il y a le monde de l'illusion cosmique. Au-delà du monde de l'illusion cosmique, il y a le monde de l'illusion super-universelle, c'est-à-dire qu'il y a le monde de l'illusion créative. Qu'est-ce qu'une réalité? La réalité est l'apparence d'un monde. Ce verre n'est ni beau ni laid, il est le verre. C'est une réalité coordonnée extérieure. Alors, dans la première phase de libération, donc de ce jeu de dépipé, l'être humain doit prendre conscience de l'illusion relative au contexte qu'il émet lui lorsqu'il perçoit. Alors, je dis, ce salon, il est beau. Je suis dans mon monde d'illusion. Je dois ouvrir les yeux à un monde, disons, plus réel, le monde de la réalité, qui n'est inexistentiel dans le domaine de l'absolu inconditionné, mais par contre qui est réel dans le domaine de l'humain. Alors je dis, ce salon est. Il n'est ni laid, ni beau, ni grand, ni petit. Je ne le compare plus à ma mémoire, donc je dis, ce salon est. Lorsque j'ai quitté le salon, je ne l'entraîne pas avec moi dans ma mémoire. Lorsque je regarde le salon, je dis « ce salon est ». Mais en même temps, je dois percevoir que c'est une réalité coordonnée. C'est une création, une expression créative de l'humain. Ce salon n'existe pas tel quel parce que la matière même que je vois, elle est régie par l'orbite de différentes molécules qui eux-mêmes ont une création différente de ce que je peux percevoir. C'est une vibration assez basse pour qu'on la perçoive avec nos sens. Oui, mais la perception de cette réalité est quand même limitée par un monde illusoire planétaire. Alors, l'être humain doit en arriver à ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais accepter une perception reliée à ce qu'il peut de cette existentialité des choses. Alors, il n'y a ni illusion ni réalité dans le monde cosmique au niveau d'une conscience cosmique. Par contre, dans le monde de l'humain, l'humain localisé dans son âme, il y a une réalité, lui. Deuxième réalité, ce qu'il perçoit. Alors, tu es laid ou tu es beau, tu es fin ou tu n'es pas fin, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Il y a une autre réalité au-delà de cette illusion qui va être celle où je vais dire, tu es ce que tu es, et tu y as droit, et les autres sont ce qu'ils sont, et ils y ont droit. Et Dieu existe ou n'existe pas, je ne le sais pas. Mais au-delà de cette réalité, il y a une autre réalité. Donc, au-delà de cette illusion, il y a une autre réalité, où en fin de compte, les choses sont une expression vibratoire densifiée, donc fixée, mémorisée, de façon différente, créant des contextes d'expression dans le temps et dans l'espace différents. Mais encore là, tu vas découvrir une autre réalité jusqu'à un moment donné où tu vas découvrir une réalité inconditionnée, une réalité inexistentielle, ce que moi j'appelle l'absolu inconditionné. C'est-à-dire que c'est un endroit où il n'y a rien parce que rien n'a été coordonné. L'être humain, dans cette région de l'espace-temps, peut créer, c'est-à-dire exprimer une chose incoordonnée mais déjà existentielle, il la coordonne, donc il crée. Parce que cette matière, elle est coordonnée, elle a une structure mémorielle, elle est coordonnée. Pour sortir de ce jeu de dés, il faut premièrement cesser d'y jouer. On ne peut pas se libérer d'un casino truqué en jouant dans le casino. Donc, l'être humain doit cesser d'entrevoir la mort et il doit cesser donc d'entrevoir la vie. C'est-à-dire que l'ego de l'humain ne doit plus cristalliser ses efforts pour pouvoir persévérer dans la vie en refusant de vivre la mort. Il doit plutôt circuler dans ce mouvement. Circulant dans ce mouvement, l'être humain doit laisser libre cours à ce qui va tendre à s'exprimer par lui. Cela veut dire que l'être humain ne doit plus se prendre au sérieux pour pouvoir délimiter ce qui va être exprimé par lui et délimiter ce qui ne le sera. Cela veut dire que lorsque l'être humain rencontre quelqu'un et qu'il a, à un moment donné, l'énergie de lui dire bonjour, il doit être capable, sans s'en rendre même compte, de lui dire bonjour. Cela veut dire que lorsque l'humain dit, ah tiens, ben oui, ça ferait du bien de lui dire bonjour, ce n'est pas ça. Il crée un contexte. Il se rappelle qu'il a eu l'énergie de dire bonjour, il l'a bloqué. La conscientisant, il l'analyse si elle est bonne à exprimer ou non. L'être humain peut se sortir de ce mécanisme lorsque son ego est transmué en quelque chose d'autre. Lorsque l'expérience en arrière, Alors, je vais expliquer peut-être différemment. Il y a de l'énergie partout autour de vous. Cette énergie peut porter le nom d'énergie vitale, peut porter le nom de vie, peut porter le nom de force, peut porter le nom de Dieu. Dans cette énergie, je prends un peu de cette énergie et au niveau du contexte planétaire, disons qu'elle est limitée, parce qu'au niveau de l'humain, elle est limitée. Et c'est pourquoi l'humain meurt physiquement, vitalement et astralement. Alors, je prends de cette énergie de la planète Terre et j'en crée un vase dans lequel je mets de l'eau. L'eau est créée par l'énergie de la planète Terre et le vase est aussi créé par l'énergie de la planète Terre. Alors, évidemment, je baisse le quota d'énergie vitale à l'échelle planétaire, mais je crée un vase et de l'eau. Alors, je peux dire « j'ai créé ». Et je peux dire, sur la planète Terre, il y a une seule chose d'existentielle, ce vase et l'eau. Moi. Mais à un moment donné, je continue à créer de l'eau. Je veux remplir le vase. Et lorsque le vase est plein, ma soif d'accumuler de l'expérience de cette eau, elle est inassouvie. Alors, je dois prendre encore de l'énergie vitale pour recréer, pour augmenter la grandeur de mon vase. Et là, je peux continuer à créer de l'eau. De l'expérience. Je vis. Je brûle la vie. Par les deux bouts. Et à un moment donné, je crée de l'eau et je commence à manquer d'eau. Alors l'eau que je mets, elle coule. Je perds un peu de cette mémoire. Alors je mets toute mon énergie pour essayer de me rappeler au moins de ce que j'ai vécu. Je ne peux plus me rappeler de ce que je vis. Et les personnes âgées arrivent à cette phase à un moment donné où ils ne se rappellent pas les 24 heures, les dernières 24 heures, la dernière semaine, mais se rappellent de leur jeunesse, se rappellent de leur naissance, se rappellent de lorsqu'ils étaient adultes. Alors, ce que je fais, c'est que l'eau coule et je prends les derniers vestiges d'énergie de la vie au niveau planétaire et j'essaie d'obstruer le reste de mon vase. Je ne suis plus capable de créer d'eau et j'essaie de garder ce vase. Mais ce vase, il a une tendance qui est désastreuse, c'est qu'il se défait pour revenir. La planète Terre, maintenant, vient rechercher de cette vie que celui a pris pour pouvoir revivre, elle aussi. Alors, lentement, ça se désagrège et tu perds toutes tes capacités, mais ton corps physique est complètement fini. C'est-à-dire que tu as tout pris l'énergie pour conserver ta mémoire. Il y a deux formes de mémoire chez l'humain. Il y a une forme de mémoire qui est chimique, elle ne dérange pas. Et il y a une forme de mémoire qui est énergétique, c'est elle qui tue. Cela veut dire que le fait que je sache qu'un verre d'eau peut contenir de l'eau parce qu'il est étanche à l'eau, il ne laisse pas sortir l'eau, c'est une mémoire qui est matérielle et qui peut être génétiquement, chimiquement mémorisée au niveau de mon cervelet, au niveau de l'hippocampe de mon cerveau et au niveau de d'autres régions de mon corps. Mais lorsque j'apprécie l'eau, lorsque j'ai peur de manquer d'eau, ce n'est pas chimique, ce n'est pas communicable par la chimie. C'est énergétiquement mémorisé. C'est là que nous nous épuisons. Chaque fois que je dis « le verre d'eau peut contenir de l'eau », ça ne crée rien chez moi. Chaque fois que je pense « merde, il ne reste plus d'eau ». Et là, mon corps travaille. Et là, le cœur accélère. Et là, il y a un mécanisme de défense à un choc. Ma psychologie puise de l'énergie vitale pour exprimer la mémoire, cette peur de l'eau, cette crainte de manquer d'eau, cette soif de vouloir, cette soif psychologique de vouloir de l'eau. Alors, automatiquement, mon corps physique s'en sent. Cela veut dire que chaque fois que vous avez eu un désir et que vous avez voulu qu'il se réalise, vous avez cristallisé le désir en mémoire, donc vous êtes souvenu de ce désir. Cela veut dire que vous avez puisé dans votre corps physique l'énergie vitale pour garder la vie à ce désir et cela veut dire que vous avez vécu une émotion. Et chaque fois que l'être humain vit une émotion, il tue son corps physique. Il y a certaines formes d'émotivité qui épuisent dans le corps physique et entraînent en même temps un retour d'énergie. Mais toutes les énergies que l'antique religion appelle péché, appelle faute, appel basse morale, appel défaut, sont des énergies émotives qui tuent, qui grugent l'énergie vitale de l'humain. Et le désir, quel que soit ce désir, est une énergie mortelle. Alors, il faut comprendre qu'effectivement, même notre émotion, qui est énergétique, qui n'est pas biologique, qui n'est pas mesurable, est mesurable par l'atteinte au corps physique. Lorsqu'une personne a peur, elle mémorise la vie, ou elle mémorise l'intégralité de sa structure physique. Je ne veux pas qu'il me tape un œil, ou encore je ne veux pas me faire tuer, je ne veux pas me faire mordre. Alors, elle met toute l'énergie de la vie dans cette mémoire égoïque de la vie. Ce sont donc nos émotions qui nous font vieillir, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Et donc mourir. Et donc mourir. J'ai rencontré une personne sur l'ambulance qui avait eu le choc de sa vie. D'ailleurs, c'était vrai. La personne avait 32 ans. Elle était noire, cheveux noirs, elle était relativement d'apparence jeune. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, cette personne aux cheveux blancs que nous avons ramassée, nous nous sommes renseignés auprès de la famille pour savoir justement les antécédents médicaux de cette personne âgée. Et cette personne avait 32 ans, elle avait le cheveu noir une demi-heure avant l'accident. Et elle a vieilli subitement d'un coup. Ça s'est déjà vu autrement. On a des personnes qui ont un cœur en parfait état et qui, soudainement, après un choc, et lorsqu'elles vont revivre le choc, elles vont carrément démolir l'énergie cardiaque, c'est-à-dire qu'elles vont canaliser, elles vont cristalliser la vie dans le cœur, ce qui va agglomérer soit du gras, soit du calcium, c'est-à-dire qu'on rend le cœur plus rigide, on le densifie, et à un moment donné, on souffre d'angine de poitrine si ça n'aboutit pas en infarctus. Alors, l'émotivité, une grande partie de l'émotivité de l'humain est une émotivité tout à fait reliée au plan de l'âme, au plan de l'ego, qui tend à vouloir vivre aux dépens de la vie. C'est ce qui fait vieillir le corps physique, et le corps physique étant le véhicule par excellence, permettant la conscientisation mémorielle, donc permettant l'expérience de l'humanité, de la terre, de la matière chez l'humain, et permettant surtout le contact avec l'esprit de l'être humain. Si on détruit le corps de chair, évidemment, tout le processus est détruit au complet, parce que l'ego qui a détruit le corps de chair ne peut pas vivre tel qu'il est, parce qu'il est un être tuant, un être mortel, un être meurtrier aussi. Alors l'ego est donc divisé, il va se fusionner à tous les égos similaires, donc à l'âme, ce qu'on parle, on parle du ciel, il va donc retrouver tous ceux qui, avec lesquels il a vibré au courant de sa vie pour pouvoir recréer une nouvelle expérience au niveau du plan biologique planétaire. Notre morale judéo-chrétienne là, nous enseigne que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Et ça fait des millénaires, au moins deux millénaires, qu'on se fait dire ceci. Et pourtant, je suis persuadé qu'en chacun de nous, il y a quelque chose qui sait qu'on est lumière et qu'on retournera à la lumière. D'où vient ce paradoxe-là? C'est quoi? Quelle est la parcelle en nous qui sait que nous sommes lumière? C'est plus bon. Ça, c'est un enseignement qui a été donné par les intelligences, par les précurseurs créateurs de notre monde d'illusion, donc de notre monde planétaire, pour restreindre la conscience de l'humain à une médiocrité expérientielle, pour l'obliger à subir, parce qu'il ne peut pas accepter, l'expérience, donc le rôle de l'humain, le rôle fondamental de l'humain sur la planète Terre. Lorsque l'humain en arrive à un point tel où il peut voir le rôle qu'il a à jouer sans se prendre égoïquement au sérieux, alors évidemment, il pourra laisser croître chez lui cette connaissance énergétique du fait qu'il est lumière et que tout son schéma, y compris la corporalité, redeviendra lumière ou éthérique. Alors, c'est plus vrai, c'est plus bon du tout. L'homme n'est pas poussière pour redevenir poussière. D'ailleurs, l'homme, l'être humain, n'a jamais été comme tel poussière. Il n'est pas parti de la poussière. Le corps physique a été structuré à partir de la mère planétaire. C'est ce qu'on veut dire par poussière. Mais même ce corps physique, la planète Terre, n'est pas une ville. Un ville ramassée de poussière. C'est une masse d'énergie. C'est une masse d'énergie. On prend un électron ou on prend simplement une matière relativement connue, l'uranium, le plutonium, le californium. On prend un truc dans le genre, tout ce qui finit en ium, d'ailleurs, c'est très bon. Et on prend un électron tout petit qu'on brise en deux. On appelle ça la fission nucléaire. Et dans ce petit électron ou dans un verre de cette grosseur d'uranium qu'on arrive à faire fissurer les atomes, qu'est-ce qui s'en dégage? Hiroshima. Et si on en prend plus gros, ben, il s'en dégage des choses plus grosses. Alors, dans un atome, on a suffisamment d'énergie pour tuer suffisamment d'humains. Alors la matière, ce n'est pas de la vile matière, parce que ne brisez jamais la matière. L'énergie condensée dans la matière, la densification des énergies pour créer l'atome, cette matière, c'est de la lumière. Et lorsqu'une bombe nucléaire explose, cette matière se transforme, Dieu le sait, et l'humain maintenant aussi, en lumière. Or, chaque être humain est une extraordinaire réserve densifiée d'énergie lumineuse, mais elle a été coordonnée dans une forme mémorielle particulière pour une fonction particulière. Et cette fonction particulière, je la répète un jour, je pourrai peut-être revenir sur ce mécanisme en l'expliquant plus clairement, que le rôle majeur de l'humain est d'arrêter l'évolution expansive de l'univers. Dans toute la psychologie ésotérique, on nous dit que l'esprit a pris un corps, s'est matérialisé. On appelle toute cette phase-là l'involution jusqu'à nos jours. Et on nous fait savoir qu'un jour, la matière doit être spiritualisée. L'esprit ou l'énergie doit spiritualiser la matière. À quel moment est-ce que ça peut se faire et sous l'effet de quelle crise? Bon, c'est une question de 500 $. Il n'y a personne qui a 500 $ ici ce soir. Quoique tous les argents réunis, ça ferait peut-être 500 $. Il semble que c'est toujours repoussé, cette échéance-là, parce que si on regarde toute la période d'involution, qu'on passe la Lémurie, l'Atlantide, et puis la race indo-européenne, etc., il y a toujours eu des messies, des sauveurs, des ajusteurs de cette évolution-là. Mais l'évolution était planétaire à cette époque, tandis qu'aujourd'hui, elle est aussi planétaire. C'est-à-dire que les avatars, les messies, tout cela... Lorsque, sur la Lémurie, on parlait de fin de l'involution, en réalité, on parlait de la fin de l'involution d'un plan d'énergie. Donc, création d'un nouveau plan d'énergie, le plan vital, et par la suite, le plan astral, au niveau de l'Atlantide. Lorsque Noé, en Atlantide, a sacré son camp avec ses deux arches, dont l'une a atterri en Turquie et l'autre en Amérique du Sud, lorsqu'il est parti, il avait déjà cet apanage du corps astral, qui fait partie de l'involution de l'énergie supramentale, mais qui, au niveau de l'humain, fait partie de l'évolution, parce que ce corps de chair et d'énergie vitale avait maintenant la faculté de constituer une psychologie mémorielle, un corps astral beaucoup plus élaboré que ce qui existait en Lémurie ou à la fin de la Lémurie. Lorsque Noé est arrivé avec son laboratoire biologique, génétique, parce que Noé a été l'un des grands tueurs d'animaux et recréateurs génétiques d'animaux, alors c'est lui qui a créé les animaux que l'on connaît pour la majorité. Lorsque Noé est arrivé et lorsque les animaux et lorsque les autres humains, parce que Noé n'était pas seul à bord de son arche, et lorsque d'autres humains venant des terres du Nord sont arrivés en Europe, on a commencé la cristallisation, donc l'arrêt de l'involution de la même énergie supramentale à un niveau mental. C'est par la suite que le Nazaréen va venir pour pouvoir créer ce mécanisme d'ajusteur de pensée qui va permettre à l'énergie supramentale, donc à cet esprit, donc à ce Dieu, au père du premier Nazaréen, de pouvoir venir toucher l'homme dans le temps. Maintenant, l'involution des énergies n'est pas finie et l'évolution de l'humanité n'est pas finie. C'est-à-dire que l'involution au niveau planétaire, l'involution dans le contexte expérientiel planétaire, arrive à sa fin. L'énergie mentale devra être personnalisée, elle devra être identifiée, elle devra arriver à une étape de contrôle où elle se désassujettira totalement des mécanismes astralo-vitalo-corporels. C'est-à-dire que l'énergie mentale de l'humain devra être développée, et c'est ce qu'il y a de plus en plus tendance à être, dans le contexte nord planétaire, à être développé de façon à pouvoir... L'humanité va briser l'évolution planétaire ou l'involution du contexte planétaire lorsque, dans chacun des humains, il y aura quelque chose qui pourra dire « Moi, je suis le mental et moi, je suis l'astral. Moi, je raisonne logiquement, efficacement, et je sais que j'ai une partie de moi qui peut venir colorer par l'émotivité mon travail. Et une partie qui va dire, moi, j'aime, j'ai peur, j'ai des craintes, je tremble de la mort. Mais il y a une partie en moi qui me rassure, qui me donne des réponses ajustées, qui est capable de me rendre efficace. Lorsque le mental est personnalisé et que l'astral est personnalisé, alors automatiquement, la descente des énergies expérientielles planétaires s'achève. Il y aura maintenant un processus de contact entre l'âme, entre l'humain planétaire et sa correspondance extraterrestre, donc au niveau de son esprit, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée. On en a parlé la semaine dernière. Alors, on approche de cette terminalité de l'évolution, disons, rétrograde de l'humain. On approche. Mais ça n'a rien à voir avec l'ego. L'ego, lui, ne verra pas ça. Donc, ça veut dire que l'homme n'est encore pas intégral. Oh non! Il n'a encore pas rapatrié la conscience de tous ses corps. Il a conscience de quoi? Du corps physique, vital, astral, mental, inférieur, on va dire. Bon, la conscience de l'instinct. La conscience Qu'est-ce qu'il lui reste à rapatrier comme corps ou comme principe d'énergie? La conscience de l'instinct. Cette matière, elle a une conscience d'elle-même qui est tout à fait imperceptible par l'humain. La conscience qu'elle a d'elle-même, c'est la mémorisation de cette forme, donc ce verre ne change pas. S'il est coordonné par une énergie supérieure, par un événement, par quelque chose de vivant ou par un être humain, sa forme change, indépendamment de lui. Il meurt. La conscience vitale, l'instinct. L'instinct, c'est programmable. L'instinct, c'est la programmation génétique. L'instinct, c'est la programmation neuronique. L'instinct, c'est la programmation cellulaire d'un corps vivant à un autre. La plante, elle a un instinct. Elle va croître dans une forme particulière gérée par son instinct. On appelle ça la nature. Elle va avoir un phototropisme ou elle n'en aura pas. C'est-à-dire qu'elle va suivre le cheminement du soleil ou elle ne le suivra pas. Cette plante peut se fermer la nuit, s'ouvrir. Tu peux lui toucher, alors elle se ferme. Cette plante peut se nourrir d'insectes. Elle a donc une conscience un peu plus avancée. La conscience vitale, donc cette énergie de l'instinct chez l'animal, elle fait ceci. Dernièrement, ma fille, elle a ramassé un écureuil d'une semaine et demie qui était tombé en bas du troisième. Où je reste. Alors, on l'a élevé. Et présentement, il approche de quoi? Un mois et demi, deux mois. Et cet écureuil, élevé dans un contexte tout à fait différent, ce qu'il a de l'apprentissage au niveau, donc, de l'évolution génétique, c'est impeccable. À un moment donné, cet écureuil a dû apprendre à téter dans une cuillère pour pouvoir boire, pouvoir survivre. Alors, il y a une adaptabilité au niveau de l'instinct de survie. Ça, il peut apprendre, ça fait partie des mécanismes d'adaptation. Mais cet écureuil, maintenant qu'il grossit, il essaie de se tenir assis, il lève une patte, que ce que tous les écureuils font. Mais lui, il ne le sait pas, il n'en a pas vu. Et à un moment donné, ses deux pattes, il regarde et il tombe. Trop petit. Alors, quand on lui donne une arachide, automatiquement, il apprend, il commence à la mordre, il la tourne sur le bon bord, donc il attaque l'extrémité, il commence à la mordre, en fin de compte, il n'est pas capable. Mais il a cet instinct d'être un écureuil. Alors, il est régi par cette conscience vitale, c'est-à-dire que l'énergie qui l'anime, lorsqu'elle traverse son système neuronique, son cerveau, suit un cheminement de connexion de neurones qui ne peut faire autrement que d'aboutir dans l'expression de l'écureuil. Elle est interprétée en ce moment. Automatiquement, mais par la génétique neuronique, par la biologie, par la matière de l'écureuil. Ça, c'est la conscience vitale. Alors, il aura donc l'instinct de survie, il aura l'instinct de reproduction et il aura l'instinct de l'amélioration de son corps physique. Alors, il va jouer. Présentement, cet écureuil joue et les jeux qu'il joue sont tout à fait les jeux qu'il a besoin de jouer pour apprendre à devenir un écureuil adulte. Il est programmé par cet instinct. Alors, l'énergie qui traverse la matière biologique de l'écureuil fait que dans l'expression, alors il est un écureuil tout à fait conventionnel. Bon. Ce qu'il a appris, c'est qu'il peut se coucher à côté de ma chatte. Et il peut jouer avec elle. Et il peut faire des choses dans le genre. Et ça, c'est de l'apprentissage. L'animal est capable, parce que ce n'est pas prévu dans sa structure biologique, il est capable d'adaptabilité. Donc, il est capable d'avoir une espèce de petit égo personnel. Il aura une mémorisation expérientielle propre à lui, mais très limitée. Si l'écureuil, tu l'éloignes des chats, pendant un an, lorsqu'il verra un chat, il se sauvera. Même avant ça, pendant un mois, lorsqu'il verra un chat, il se sauvera. La mémoire qu'il a, elle disparaît parce qu'elle n'est pas conservable longtemps. Il n'a pas assez d'énergie vitale pour pouvoir mémoriser longtemps. C'est la conscience vitale, c'est l'instinct. Chaque être humain a aussi cette conscience vitale. L'être humain qui vient au monde a aussi se voit affilé, disons, se voit donner un âme. C'est-à-dire qu'il a maintenant une conscience astrale, une conscience psychologique. Une conscience qui, elle, par contre, peut emmagasiner une foule d'informations, mais de l'information surtout, non pas reliée à la vision de la matière, mais surtout au niveau émotif. De cette information émotive, de cette conscience émotive, l'être humain va l'élaborer en conscience de désir, en conscience d'apprentissage, en conscience de survie, mais non plus au niveau de l'instinct vital. Maintenant, l'apanage de la survie va être focalisé au niveau de cette mémoire, parce que cette mémoire retient plus de choses que l'énergie vitale, de la conscience vitale, l'instinct. Alors, l'être humain développe cette conscience, la conscience de l'astral qui va l'amener à reconnaître ses amis, à reconnaître des contextes expérientiels pleins, vides, bénéfiques, maléfiques, pour l'expérience de son ego, évidemment. La conscience qui va suivre la conscience mentale, une conscience qui va être capable d'établir une relation entre l'expérience, entre l'émotivité mémorielle, entre l'astral, entre le corps physique et le corps vital, et l'extérieur dans une relation d'efficacité. Ça, c'est la conscience mentale qui doit se développer chez l'être humain. Jusqu'à date, ce sont toutes des consciences, on pourrait dire, qui bénéficient à la survie de l'espèce. Toutes les consciences qu'on a, là. On reste toujours dans la survie, là. Parce que cette conscience, elle est terrestrifiée, elle est reliée à l'évolution de la planète. La conscience qui suit la conscience supramentale, donc une conscience supérieure au mental, la conscience du mental supérieur, c'est la conscience de l'intelligence instantanée, c'est-à-dire qu'à partir de cet instant, l'être humain ne fait plus affaire dans sa conscience à sa mémoire. Il fait affaire avec un savoir instantané qui lui amène l'énergie essentielle à sa survie ou à l'expérience dans un temps et dans un espace particulier. Cela veut dire qu'à ce moment où l'être humain entre dans cette conscience supramentale, il n'a plus besoin de sa conscience mémorielle. Alors l'ego va être transmué en corps éthérique, c'est-à-dire que l'ego disparaît. L'âme est divinisée ou supramentalisée et l'être humain n'a plus de cette mémoire de l'expérience. Alors, tu vas demander à un être humain qui est en relation avec son corps éthérique, donc avec son double supramental ou avec son esprit, te rappelles-tu, v'là 3 jours, il faudra qu'elle recherche et elle trouvera pas v'là 3 jours. Ce laps de période de transition où l'être humain perd ses mémoires et des mémoires qui normalement sont intelligentes, donc elle devrait se rappeler, c'est un laps de temps où elle est entre le branchement, entre la lutte, entre le débranchement du contact mémoriel planétaire expérientiel et le branchement à un contact non expérimenté, non expérientiel, par contre existentiel. Et il y a une nuance majeure. L'être humain, par son ego, va lutter. Alors, il aura un peu le contact avec l'existentialité et il le perdra pour revenir avec l'expérientialité. Il va revenir avec le contact avec l'existence, donc l'être-té tel qu'elle est, s'entend, et il va revenir. La lutte entre les deux va perturber sa vie. Pour que l'être humain puisse être en contact total, donc s'exclure de la mort, en désintégrant son ego, ses mémoires, par la supramentalisation ou par la divinisation, appelons ça comme on voudra, avec cette énergie supramentale, avec le premier palier des cieux, donc du Père dans les cieux. Lorsque l'être humain est en lutte, il peut mourir, il peut vivre plus longtemps, il peut mourir et revenir implacablement en contact avec cet être-té. Habituellement, l'être humain qui vit avec les choses existentielles et non plus expérientielles, perd donc cette mémoire. Et à un moment donné, tu vas dire « Qu'est-ce que tu as fait hier? » Et l'être humain qui est en contact avec l'existence va pouvoir te dire « Hier, j'ai fait, tu veux savoir quoi? » À 3h, 32 minutes, 42 secondes? Ou à, tu veux savoir quoi? Alors, il aura accès à l'information sans que lui l'ait mémorisé, comme aucun être humain mémoriel, moronciel, expérientiel et évolutif aurait pu l'avoir. Alors, c'est un mécanisme qui amène l'être humain, l'être réel, l'être fonctionnel, celui qui a une fonction et qui l'applique, à ne plus vivre cette mortalité typique du mortel de la planète Terre. Qu'est-ce qui est mortel? L'être humain expérientiel. Celui qui devient existentiel ne meurt plus parce qu'il ne vit plus dans le sens où il ne mémorise plus sa vie. Alors ça, c'est un mécanisme qui est qui va être la résultante évolutive de l'humanité. Évidemment, ça commence par le haut de la pyramide et lentement, ça va s'étendre à l'échelle de notre humanité. Maintenant, il va de soi qu'on n'aura pas 4 milliards d'individus qui vont arriver à cette expérience. Il y en aura 150 000. Il y en aura 250 000, il y en aura très peu qui, parce que justement, on en a déjà parlé lors d'une conférence où on expliquait relativement clairement que les 4 milliards d'humains vont vivre des guerres, des apocalypses, qui sont d'ailleurs essentielles, pour la simple raison que ces êtres humains doivent vivre une expérience similaire, mourant. Leur ego, leur âme, va donc se fusionner parce qu'ils auront une attraction similaire de par leur expérience. Et sur, par exemple, 1 million d'individus, on assistera à la réincarnation pluralitaire de 100 individus. Et ces 100 individus vivront un mécanisme similaire et lorsqu'ils se réincarneront pluralitairement, ils seront dans un corps physique. Alors, lorsqu'on parle d'élus, on ne parle pas d'élus avant l'apocalypse, on parle d'élus après l'apocalypse parce que les élus vont naître suite à au fusionnement des êtres humains expérientiels planétaires. Alors, les sœurs, les frères, au niveau de l'esprit, les frères en Dieu, les sœurs en Dieu, vont se regrouper pour pouvoir expérimenter dans un véhicule biologique. Alors, évidemment, les pluralisations de l'expression de l'esprit sur la planète Terre vont donner naissance à cette race d'élus. Et tout le monde va faire partie de cette race d'élus. Il n'y aura pas du monde qu'on va kicker dessus et du monde qu'on ne kickera pas dessus. Il y aura des parties expérientielles dans l'âme de certains individus qui serviront de plateau matériel, tandis que l'autre partie de cette même âme, hautement spiritualisée, parce que dans chaque être humain, il y a une partie résonante avec l'esprit, ce qu'on pourrait dire, il y a une partie bonne, et il y a une partie résonante avec la matière, une partie mauvaise, et ce sera évidemment, c'est toujours séparé. Alors chaque être humain va faire partie de cette race d'élus. Il n'y a pas un seul mot du humain qui va être abandonné et oublié, ça ne se fait pas. Lorsque l'être humain arrive à ce contexte, donc je parle quand même dans quelques dizaines d'années, lorsque l'être humain arrive dans ce contexte, il ne meurt plus parce que la mortalité n'est plus une chose essentielle à l'expérience de l'arrêt de l'expansion universelle. Est-ce que tu vois une mutation du corps, là? Est-ce que... Ah, totalement. Quelle forme ça pourrait prendre un nouveau corps pour ce nouvel homme, là? Bon, ça, c'est pas important. C'est pas important, il y a quelque chose d'autre qui peut-être... Premièrement, la mutation, de prime abord, sera interne, neuronique, cardiaque, endocrinienne, surtout, et nerveuse. Et par la suite, le corps va aussi reprendre une forme biologique apte à pouvoir fonctionner au niveau planétaire. Alors, il ne redeviendra pas un enfant, il aura un corps ajusté à ce qu'il devra faire. Et c'est important à ce qu'il devra faire. Il y a aussi un moyen, il y a une technique, présentement, qui peut permettre l'expansion de la vie du corps physique. Une technique qui permet au corps physique de pouvoir vivre plus longtemps en ne suçant moins de cette énergie vitale et qui permet aussi lentement, il y a maintenant une technique, ça fait pas longtemps que ça existe à l'échelle planétaire, une technique qui prend l'humain là où il est et qui l'amène directement au contact avec son ajusteur de pensée, donc avec l'énergie supramentale, par l'intermédiaire, donc, de cette pratique, et l'être humain arrive à pouvoir étendre le cheminement biologique si, évidemment, il parvient à adopter la technique. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode que tu lèves une jambe, tu baisses la jambe, puis que tu sois fou, sans dessin, drogué, alcoolique ou normal, ça fonctionne. C'est une technique qui demande énormément de travail au niveau de l'individu et qui, dans un laps de temps relativement court, en delà de quelques années, la personne elle arrive à pouvoir fonctionner d'une façon transitoire vers le contact avec l'ajusteur de pensée. C'est-à-dire que l'être humain, aujourd'hui, est suffisamment énergisé pour pouvoir se payer le luxe, entre guillemets, parce que c'est permis à ceux qui le feront, et c'est tout à fait interdit à ceux qui ne le feront pas, pouvoir se payer le luxe d'avoir une extension au niveau de l'expérience parce que ça deviendrait ridicule de mourir lorsque tu peux être prêt. OK, merci beaucoup. Ça passe vite une heure. Alors, je vous rappelle qu'à l'achat de votre billet, maintenant, vous pouvez avoir la première...